L'homme qui a perdu son cerveau, par Pierre Mille. Qu'est-ce qui arrivera dans 6 mois? Qu'est-ce qui arrivera demain? Qu'est-ce que c'est que le bolchevisme? Qu'est-ce que c'est que les Russes? C'est ainsi qu'une demi-douzaine de Français, un soir de ce printemps, échangeaient les soucis de l'heure par phrases courtes. Et parfois l'un d'eux tirait quelques instants sur sa cigarette, avant de s'apercevoir qu'elle était éteinte. Seul Altier, celui qui, depuis 10 ans, livre à ses auditeurs du Collège de France le résultat de ses profondes études sur les maladies de la volonté, se taisait comme indifférent, et il continuait de fumer sa courte pipe, par grosses bouffées régulières. « On dirait que ça ne t'intéresse pas, » lui dit son ami Thésard. « C'est pourtant tout le sort de la civilisation qui est en jeu. » Et tu sais bien qu'elle n'avance pas toujours d'un progrès régulier, la civilisation. Il y a des périodes de régression. Il y a eu les barbares. Il y a eu le 15e siècle. Plus rien que des ruines, des pilleries, la misère universelle. Ça peut encore arriver. Oui, fit Altier, ça peut encore arriver. Voilà bien longtemps déjà, 5 ou 6 ans avant la guerre, que j'ai eu tout à coup la vision de cet inévitable en Russie. Oh, c'est une histoire très simple. Je venais de terminer une de mes leçons sur le réaction centrale du phénomène nerveux. Le public commençait à s'écouler. Durant ce temps, obéissant à un excellent usage, qui est d'ailleurs suivi par la plupart de mes confrères, je m'étais retiré dans la petite salle réservée derrière l'amphithéâtre où avait lieu le cours. C'est peut-être là qu'on accomplit en quelques minutes le travail le plus utile. On reçoit les élèves, on les dirige sur un travail sérieux, personnel, on leur inculque une méthode. Cette fois, j'ai pu croire que mon espoir allait être déçu. Je ne vis entrer qu'un étrange petit vieux. Un petit vieux terriblement vieux, sénile, débile. Des yeux ternes, tristes, un crâne chauve, et sur le visage, cet affaissement de tous les muscles que je connais bien. Un raseur, évidemment. Un de ces petits bourgeois oisifs et stupides, qui sont la plaie de ces cours publics. Ça ne sert à rien, et ça tient de la place. Je me promis de le liquider rapidement, un peu brusquement, si cela était nécessaire. Dès le seuil de la porte, il me salua très bas, très humblement, avança de quelques pas, salua encore, puis demeura debout, dans une attitude presque servile et comme épouvantée. Il s'attendait si évidemment à être brutalisé que ce fut sans doute la raison immédiate pour laquelle je me sentis incapable d'user avec lui de la moindre rudesse. De la pitié, voilà ce qu'il m'inspira subitement, une pitié immense, comme devant un malheur mystérieux, incompréhensible. « Professeur Nikonov, » prononça-t-il avec un grasseillement national que sa timidité accroissait encore, « Piotr Osipovitch Nikonov. » Et ce nom d'abord ne me rappela absolument rien. Les bibliographies d'il y a 40 ans, qui donc les lit encore? Tous ces vieux travaux étaient tellement dépassés. Je me contentais de regarder le visiteur plus attentivement avec plus de politesse. Un confrère, un professeur, mais professeur de quoi? Peut-être un anatomiste, ou même un juriste, un historien. En vérité, je ne me rappelais pas du tout. « Voilà 6 semaines, continua-t-il, que je viens vous entendre. C'est très intéressant. Je sens que c'est très intéressant. Seulement, je ne suis plus au courant. Je voudrais que vous eussiez l'obligeance de m'indiquer quelques ouvrages. » Je crus décidément ne m'être pas trompé. Un amateur, un homme qui n'était pas du métier. Je lui recommandais la psychologie de l'attention ou l'essai sur les passions de Ribet, le livre classique de William James sur l'émotion. Et cependant, à mesure que je parlais, un souvenir confus remontait dans ma mémoire. Nikonov. Nikonov. Où donc avais-je déjà vu ce nom? Ah, je me rappelais maintenant. Nikonov, professeur de Pétersbourg. Les psychasthénies. Il avait été l'un des premiers pionniers de ma science vers 1880. Et puis, on n'avait plus parlé de lui. Il n'avait plus jamais, jamais publié quoi que ce soit. À la seconde même, ou alors j'allais m'excuser, lui signaler des ouvrages bien différents, moins généraux, le traiter comme un égal, bien mieux, comme un vieux maître, il m'interrompit. « Oui, dit-il, oui, Ribot, James, c'est encore bien neuf. bien compliqué pour moi. Si vous pouviez me donner à lire quelque chose de simple, de tout à fait simple, de très facile. » Il lut dans mes yeux ma stupeur. Il la traduisit sans doute par de l'ironie, du dédain. Et alors, il prononça d'une voix très basse. Vers 1890, à Petrograd, j'ai pris part à un petit mouvement intellectuel, libéral, si vous voulez. Et j'ai été envoyé sans jugement à la forteresse Pierre et Paul. On m'y a oublié. Je suis sorti seulement cette année. 30 ans de prison. Et pendant les 20 premières années, défense de recevoir ni livre, ni papier, ni plume, ni crayon. Concevez-vous ce que c'est, monsieur, pour nous autres, que nous vivons que par le cerveau. J'aurais voulu devenir fou. C'est une solution à la folie. Et puis je la connaissais, je l'avais étudiée. On n'a plus sa personnalité. Parfois on en prend une autre, ou on entend des voix. Et alors on est avec quelqu'un. Je ne suis pas devenu fou. Mais je me suis senti sombrer dans la stupidité. Ah, j'ai lutté. J'essayais de faire des calculs de tête, de me réciter des lambeaux de poèmes. Ce fut en vain. Insensiblement, j'assistais à la perte de ma mémoire, de mon intelligence, de ma faculté d'assembler des idées. À un moment donné, je me suis dit, « Mais c'est très curieux, ça. C'est un cas pour toi, toi, le spécialiste. Étudie-toi, analyse-toi. Tu ne retrouveras jamais une semblable occasion. » Je n'ai pas pu. Je m'échappais à moi-même. S'il m'eût été possible de me procurer n'importe quelle arme, d'user de n'importe quel moyen de destruction, je me serais suicidé. J'ai supplié alors. Je suis descendu jusqu'aux dernières bassesses. Des livres. Donnez-moi des livres. Qu'est-ce que ça peut faire à l'empereur que je lise? Monsieur, 20 années durant, on m'a refusé des livres. Concevez-vous l'horreur de ces longues journées? Calculez-vous le nombre d'heures vides, toujours plus vides, qu'elles représentent? Mais au bout de la 20e année, il est arrivé un ordre de Sa Majesté transmis par le gouverneur. Il n'y a pas d'inconvénient à satisfaire le désir du prisonnier. La lecture peut lui être permise. Je me suis jeté à genoux. Je remerciais comme si l'on m'avait ouvert la porte de ma geôle. Et l'ordre continuait. Le prisonnier pourra lire l'histoire sainte. Telle était l'étendue de la grâce qu'on me faisait. 10 ans encore, jusqu'à ma libération, je n'eus entre les mains qu'une vieille histoire sainte, appartenant à la bibliothèque de la prison. J'ai fini par la savoir par cœur, elle me hantait, je me disais, Nabucodonosor, je suis Nabucodonosor, une bête qui marche à 4 pattes, ayant perdu l'esprit. Et j'ai à peu près perdu l'esprit, en effet. Quand à la fin j'ai été mis en liberté, j'étais ce que vous voyez. Non, j'étais pire. Aujourd'hui, je sais. Je me rends compte que jadis j'étais Piotr Osipovitch Nikonov, professeur. Je pense. Il faut que tu le redeviennes complètement. Mais j'ai tout oublié. Il faut que je recommence par le commencement. Que je m'imagine pouvoir y parvenir. Pardonnez-moi, monsieur. Quand je songe à la rencontre de ce jour-là, conclut Altier, j'en arrive à croire qu'il est naturel que la réaction égale l'action dans ce pays. Il a été trop malheureux. Et pendant des siècles, on l'a fait marcher à 4 pattes, sans livres, sans lumière. Et il continue. Comment voulez-vous qu'il ne continue pas? C'était L'homme qui a perdu son cerveau, par Pierre Mille.